OK, fait que le sujet de la soirée, c'est l'influence de la mémoire. Puis on va essayer d'identifier en soi c'est quoi de la mémoire. Toute mémoire est raccordée à votre structure cellulaire, les cellules de votre corps. Toute l'hérédité qu'on dit d'avoir de nos parents, c'est lié à une chaîne karmique, à des conditionnements de vie antérieure. Donc, conditionnel au fait qu'on comprend le principe des vies antérieures, il n'y a pas de hasard. Vous avez une structure cellulaire qui va en fonction d'une programmation. Vous êtes, à la naissance, programmé pour vivre avec certains traits de caractère, avec une dynamique, une motricité basée sur des événements qui sont déjà placés d'avance, pas nécessairement au niveau de la forme, mais au niveau de la dynamique, comment je vous dirais ça, donc, la dynamique des prises de conscience qui vont être nécessaires à vivre dans votre vie. Donc, vous pouvez avoir des enfants, évidemment, qui naissent du même père et de la même mère, qui n'ont pas nécessairement les mêmes dynamiques d'événements, mais qui peuvent avoir, à cause de la nature cellulaire de leur corps, une capacité de traitement de la problématique de leur karma ou de leur programmation, qui est en fonction justement de cette hérédité-là que vous avez. Fait que tu peux avoir deux mathématiciens dans la maison, mais ils n'ont pas à résoudre les mathématiques ou l'aspect calcul de la même façon. Il y en a un qui peut faire un scientifique, puis l'autre, il peut faire un homme d'affaires. Puis dans l'homme d'affaires, il y a autant de calculs que dans le mathématicien, excepté que ça ne transparaît pas ou ça n'apparaît pas d'une façon aussi aussi corrélative une par rapport à l'autre. Mais c'est deux éléments qui touchent la mathématique, le raisonnement, avoir raison et avoir une ligne de pensée qui est très, très axée sur l'objectif. Puis ça va venir du papa et de la maman dans leurs forces et les manques. Vous avez des traits de caractère qui viennent de l'héritage karmique de vos parents, qui viennent eux autres aussi de leurs parents. Donc on peut dire que c'est familial, c'est des chaînes karmiques familiales qui s'intègrent dans la cellule, dans le corps, dans la structure cellulaire. Et évidemment, ça, cet aspect-là, permet à l'individu d'avoir un outil pour pouvoir faire face à une programmation qui tient aussi compte d'une époque. Parce que chaque époque accumule une somme de solutions à des manquements qu'il y avait à l'origine. Et j'applique sur le fait que c'est des solutions que les époques apportent d'une époque à l'autre, et non pas des problèmes. Les problèmes se règlent au courant des époques, et toutes les époques apportent le lot de solutions, mais éliminent des problèmes. Ça va jusque-là? Donc, ça veut dire que l'évolution, c'est pas régressif en aucun temps, c'est toujours progressif, et que le caractère progressif se transmet psychiquement et corporellement. Les enfants qu'on va dire, au exemple aujourd'hui, qui sont plus dynamiques que ceux qu'on était nous autres et que les parents étaient avant, ça vient du fait que l'ensemble d'une collectivité, avec les solutions qui ont été apportées d'une époque à l'autre, se sont retransmis par le biais de la communication, par le biais d'échanges entre les gens ou entre les personnes, de telle façon à ce que le terminal, qui est le corps, soit modifié substantiellement pour être capable de recevoir des nouvelles vibrations, des nouveaux états de conscience, et conséquemment aussi progresser. Et cette progression-là est exponentielle, en voulant dire que tu évolues beaucoup plus vite aujourd'hui que tu pouvais évoluer il y a 200 ans. Puis dans 200 ans, les gens vont évoluer encore plus vite, proportionnellement à ce que nous autres, on est comme progression vis-à-vis des gens d'il y a 200 ans. Fait qu'imaginez-vous que ça va aider. Mais quand on dit progression, on ne parle pas de capacité de consommer. Ce n'est pas tu vas consommer 200 fois plus. Là. Mais c'est une capacité de lire. Quand on parle que le corps est un terminal, évidemment, il est un terminal à une mise en vibration. Fait que le corps absorbe des vibrations qui sont pour bien des gens des impressions. Et puis, en absorbant certaines impressions, bien, il arrive justement avec la conscience à des points d'intégration. Et plus il y a d'intégration sur une impression, bien, plus vite est la capacité de lire de l'être. Ce que les gens appellent les sages retransmettent leur science par la parole, mais aussi par vibration, de telle façon à ce que les gens qui sont capables d'absorber le sage ou la personne qui parle avec un acquis de conscience, un acquis vibratoire, ben, bénéficie de, on appelle ça en anglais, des shortcuts, des points de prise de conscience ou de solution à des problèmes plus rapides. Et ça, bien évidemment, ça s'accélère d'une façon exponentielle. Donc, pour apprendre d'une expérience, il ne faut pas simplement vivre l'expérience, il faut aussi être capable de la lire. De la lire, ça passe dans un temps par l'ego, par la réflexion, puis éventuellement par une perception, un constat, qui est simplement qu'à chaque fois que telle chose est faite, ça répète le comportement, donc le type de problème ou le type de solution. Bon, certaines personnes apprennent plus vite parce qu'ils sont moins rebelles dans leur lecture et ont besoin de répéter l'expérience pour être cassés. Ils sont finalement cassés par la souffrance. La souffrance sert à casser une rigidité. Toute personne qui souffre, souffre parce qu'il est rigide. Ça ne souffre jamais quand c'est flexible et que c'est fluide. Et que ça souffre tout le temps quand c'est rigide. Tout élément de souffrance part d'une rigidité, d'une fixité mentale, qui est liée psychologiquement à des systèmes de valeurs. Donc, toute personne qui souffre a nécessairement un système de valeurs qui a été programmé à la naissance par une hérédité familiale, une mentalité, une culture sociale, parce que tu nais dans un pays, tu bénéficies de parents, c'est sûr, mais tu bénéficies dans un temps de toute la culture du pays, la langue, exemple, le mode de fonctionnement, le mode d'opération, système de valeurs vis-à-vis du couple, vis-à-vis des associations, vis-à-vis des échanges, vis-à-vis du commerce, la capacité de survie. Plus l'individu est capable de s'intégrer dans une zone ou dans un environnement, plus conséquemment, il peut régler des problèmes de survie assez rapidement. Mais on se rend compte que la grosse problématique des gens dans la vie pour s'en sortir, c'est un problème de lecture. Si une personne saurait à quel point c'est facile de se sortir de la survie quand il sait bien lire, il capoterait. Mais moi, je vous le dis, si vous n'avez pas bavé, vous ne pouvez pas contenir quelque chose, parce que la contenance, ça se développe à travers le mal. Votre mémoire a en soi beaucoup de souffrance à la naissance. Pensez à votre main qui vous supporte pendant un mois, puis c'est pas facile à coucher. Puis pensez qu'il y a une bonne partie de votre vie que vous allez vraiment souffrir avant de pouvoir dire, bon, ben j'ai réussi ça, je suis intelligent, j'ai compris telle affaire, papa. J'ai jamais vu quelqu'un qui a compris quelque chose sans souffrir. Jamais. Jamais. Donc, la souffrance a zéro valeur si elle n'a pas atteint son point culminant de solution. Une solution, c'est la fin de la souffrance et c'est en même temps sa neutralité. Une personne qui chiale, puis qui souffre, puis qui ci, puis qui ça, c'est une personne qui n'est pas rendue encore à son terme, c'est-à-dire la solution. Donc, il est planté dans une mémoire qui le retient dans un passé, qui le retient dans un système de valeurs pour que sa programmation s'exécute, pour qu'elle se déracine du karma familial, puis qu'elle arrive à libérer dans son être les forces qu'il faut pour pouvoir se débarrasser de la survie financière, psychologique, émotionnelle. Donc, si vous avez une mémoire, vous avez un avantage, et en général, vous avez aussi, avec le biais de la mémoire, parce que les races ne sont pas encore parfaites, vous avez aussi des restrictions, des limitations. Vous pouvez être très bien conscient d'une problématique mémorielle, puis pas être capable de la régler tout de suite, ou peut-être qu'il vous faut la régler en compagnie ou par rapport à quelqu'un qui n'a pas la problématique que vous avez. Parce que souvent, les problématiques mémorielles que vous avez ne se règlent pas par soi-même, ça doit être réglé par le biais de l'échange. C'est pour ça que j'ai écrit ici « futur », le futur est dans l'échange. En d'autres termes, toute forme de modification qui pourrait se faire de la mémoire ne peut que se faire dans le futur. Mais le futur, c'est quoi pour un individu qui est en évolution? C'est sa capacité d'échange avec son environnement. Pas d'échange, pas d'évolution. Puis, pas d'échange égale rester dans ta mémoire, avec à la fois les forces, parce que tu as des talents dans ta mémoire, puis les faiblesses qui vont avec. Donc là, tu peux avoir un individu qui dit, « Ben moi, avec les talents que j'ai, je m'autosuffis. Je n'ai pas de problème à m'autosuffir. » Vous avez des mémoires, vous avez des talents. Avec vos talents, vous pensez que vous pouvez vous couper de tout le monde. Puis à un moment donné, oups, la vie vous place dans une crise, puis vous vous rendez compte que vous êtes obligé d'échanger. Tu n'as pas pratiqué ça, l'échange. Quand tu es venu au monde avec une tape sur les fesses. Mais il reste quand même que c'est un combo. Puis dans un combo, on veut se régénérer. Puis en voulant se régénérer, bien, on se dit, il ne faut pas que j'aille de casse-pied pendant que je dors parce que je veux dormir. Fait que, il y a des mécaniques d'isolement qui se créent pour se protéger. Et la cellule, lui, elle enregistre ça comme s'il veut se protéger, il faut que je me ferme. Fait que la nature a fait un être qui doit se battre, donc s'ouvrir pour aller chasser. Chasser sur le plan affectif, chasser sur le plan financier, chasser pour se développer son talent, l'intellect, ces choses-là. Mais en chassant, on se rend compte que, bon, il y a du rejet, tu ne réussis pas tout le temps, c'est pas toujours possible de t'en sortir facilement. Et puis là, tu découvres qu'il y a des gens qui chassent mieux que toi, fait que ça te met dans un rapport de compétition, un rapport de comparaison. Et puis, inévitablement, bien, les individus sont exposés dans cette tension-là à créer des ouvertures conditionnelles, donc rationnelles, donc raisonnables, pour convenir à un environnement qui ne crée pas d'obstacles. Et puis, il ferme. Tu vieillis parce que tu fermes. Ton vieillissement est tout basé sur la fermeture. Donc, dans l'évolution de la mémoire, qui est finalement corporelle en bout de ligne, c'est qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir, à travers le corps, se lire. Tu pourrais juste à toucher un corps, faire comme M. Spock, ou je ne sais pas quel docteur, quelque chose dans Star Trek, là, qui avait une patente, il passait ça sur le corps, puis il pouvait te lire au complet. Bien, poussé à l'extrême, on pourrait dire que quelqu'un qui est un petit peu médium de ses bords, passerait ses mains sur le corps, puis saurait exactement où ça fait mal, pourquoi ça fait mal, qu'est-ce qu'il y a à faire, puis pop, pop, pop, pop. Puis il pourrait tout décoder ça jusqu'à savoir c'est quoi la mémoire qui bloque. Il y a une tension mémorielle, c'est pas juste un événement, une mémoire, là. Tu sais, genre, ah, j'ai tombé en bas de ci. Tu passes la main, tu dis, ah, t'as fait une chute. Ouais, mais pour que l'événement de la chute arrive, là, il y avait tout un comportement psychologique avant. Ça, les médecins ne savent pas encore, mais ça s'en vient. Là. Ils vont finir par être capables de voir qu'il y a un rapport à l'événement, il y a un rapport psychologique à l'événement. Il y a un comportement psychologique avant que l'événement se passe. Ça, éventuellement, quand ils l'auront découvert, ils vont commencer à pouvoir lire les vibrations dans le corps. Fait que là, tu vas avoir des machines ou des gens qui vont pouvoir lire la vibration. Puis savoir que pour pas que tel événement se répète, il va falloir que la personne vive une mutation, un changement sur le plan corporel à partir de son psychique. C'est son psychique qui va faire la modification. Ça ne sera pas quelqu'un de l'extérieur qui va faire la modification. Toute modification à votre programmation mémorielle qui vient de l'extérieur va échouer parce que ça faut que ça parte la vibration de vous. Fait que le meilleur médecin des temps futurs, ça va être une espèce de stimulateur mental qui va vous emmener à vouloir faire un changement. Et non pas quelqu'un comme aujourd'hui qui répare ce que vous avez, mais dans sa réparation ne modifie pas votre comportement mental, donc l'événement est sujet à se répéter. Ce qui peut être chronique dans certains cas. Parce que de la mémoire, ça va toujours vous emmener à fermer, ça ne vous emmènera jamais à ouvrir. Et comme ça ne veut pas ouvrir de la mémoire, bien, il y a juste de l'échange qui va vous mettre en vibration pour un avenir qui est plus ouvert. Mais quand on dit fermeture, on dit bokeh. Bokeh dans le sens barré, limité, diminué. Et la personne, quand elle se lit verbalement comme étant incapable, elle est déjà fermée. Fait qu'il faut qu'il y ait dans l'échange une personne qui fait ouvrir la perception ou la lecture de la personne pour qu'elle se voit capable. Il va à nuance? Tu te lis pas capable, puis tu pourras jamais, dans une lecture de pas capable, avoir une lecture de capable. C'est impossible. Tu as déjà amorcé ta destruction. Tu es déjà en train de mourir. Fait qu'il y a juste quelqu'un qui est capable de te faire changer vibratoirement ta lecture vers « oui, tu es capable », puis que c'est pas l'autre qui est capable, c'est toi qui es capable. Parce que l'autre qui vous dit que vous êtes capable, il est capable. Mais il ne faut pas que tu te bases sur lui ou elle pour dire que tu es capable. Il faut qu'il te passe la vibration que tu es capable, puis que tu es capable. Fait qu'il faut qu'il renverse ta lecture d'incapacité, d'impuissance, pour pouvoir te mettre dans une traque où tu peux être possiblement mis en puissance. Là, à ce moment-là, le corps va changer, du moins au niveau de ses attitudes physiques, il va corriger. Puis en plus, il va donner un autre événementiel à sa vie, parce que les événements que vous subissez, ça va avec votre rayonnement. Fait que si vous avez un rayonnement introverti, bien, il va vous arriver des agressions dans la vie, parce que vous êtes absorbant. Puis en étant absorbant, bien, c'est des éléments agressifs qui vont s'en aller vers vous. Mais surtout si vous avez une lecture négative de votre personne. Si vous êtes capable de passer à des lectures positives, vous êtes rayonnant, et conséquemment, avec ce rayon-là, capable de faire face à des charges négatives, où vous êtes excessivement positif et les événements... Ça veut dire que ma mémoire a pu vouloir, d'une façon cyclique, me mettre dans des comportements émotionnels ou vitaux qui sont négatifs. Mais ma conscience, mon développement de conscience, m'a permis de neutraliser les effets pernicieux de la mémoire. Si une personne n'entreprend pas dans sa vie un travail de prise de conscience de ses expériences, il va mourir avant son terme, ça c'est sûr, parce que quand tu commences à fermer, tu commences à mourir, puis quand tu commences à mourir, c'est exponentiel. Fait que ça va te faire aller chercher des événements qui vont te tuer, soit en te rendant malade ou en vivant un accident. Je vous fais ça simple, comprendre une affaire, c'est que la vie est aussi rose que vous travaillez à la rendre rose. La couleur n'a pas d'importance, c'est pour sortir le principe, Christ, arrêtez de vous plaindre, c'est dangereux. J'ai dit à un de mes chums qui cherche à faire une grosse business, j'ai dit, tu chiales tout le temps, tu peux pas réussir, c'est impossible. Tu bâtis ta faillite. J'ai dit, t'en as pas plus que 6 mois à parler comme tu parles. T'arrêtes pas de faire des trous dans ta chaloupe, puis tu nages vite pour te rendre à la berge, là. Tu nages vite, mais tu penses juste négatif. Fait que plus tu nages vite, plus tu chiales que ça fait mal, plus tu chiales que ça fait mal, plus tu fais des trous dans ta chaloupe. Là, tu remplis ta chaloupe, puis t'as beau nager vite, c'est que quand t'as 25 gallons d'eau dans la chaloupe, là, qu'est-ce que c'est fou que je fasse? Hey, quand tu te lèves le matin, il fait beau, soleil. Ouais, mais des fois, il pleut. Ouais, mais après la pluie, il fait beau. Ouais, mais il pleut pas mal souvent, puis c'est humide après. Tu gagnes comment tu penses? T'es un loser né, Christ. Tu peux pas gagner quoi que ce soit dans la vie. Tu penses juste en termes de mourir. Là, à la fin, j'ai réussi à un tour de force écœurant. J'ai réussi à le faire sourire. Ah ben, fuck. Je dis, t'es en train de réparer un trou dans la chaloupe. Ouais, mais il dit, non, dis-le pas qu'il y en a d'autres. T'en as réparé un. Ouais, les autres, ça va prendre combien de temps? Déjà, c'est mieux. Plutôt que de les compter, tu commences à dire comment je vais réparer. Ça va bien, là. Fait que, je dis, quand tu pars, là, dès que tu sens que tu vas faire un gros trou dans ta chaloupe, tu m'appelles. Ça marche? Mémoire de perfectionniste. C'est un hostie de perfectionniste. Je dis, ça, t'as pogné ça de ton père. Il dit, ouais. Je dis, ton père, dans ta vie, quand tu faisais quelque chose, c'était jamais assez. Si t'avais pas 100%, c'était jamais bon. Il dit, ouais. Je dis, as-tu remarqué, t'essaies de faire pareil avec ton gars? Il dit, ouais. Oui, mais non. Moi, j'ai toujours raison, toi, tu as toujours tort. OK, oublie pas ça. Mais non, c'est Dieu. Puis là, j'ai commencé à y faire comprendre que s'il pensait toujours en termes de perfection, il fallait qu'il y ait une description de la perfection. J'ai dit, moi, je ne me perçois pas parfait. Je sais que j'ai toujours raison, mais c'est pas en soi une perfection. J'ai dit, moi, c'est pas de ma faute si j'ai raison, c'est pas moi qui parle. Ça me parle. Puis chez eux autres, ils sont parfaits. Mais moi, pauvre petit canal, je ne suis pas toujours parfait. Mais je sais que quand tu passes, c'est ce qu'il faut dire. Donc, moi, je n'ai pas d'opinion. En n'ayant pas d'opinion, c'est parfait. Si je mets mon grain de sel dedans, hop, je défais la perfection. Es-tu capable d'arrêter de mettre ton grain de sel dans ce qu'il faut faire? Oh, hein, t'es encore ton père. Fait que là, au moins, quand ça va arriver, là, des affaires de te placer en erreur parce que tu juges l'erreur ou tu juges le résultat ou tu juges quoi, pense à ton père. Puis quand ça va être ça, pense à eux autres, les forces. Ouais. C'est une façon de voir la différence entre l'astral et la lumière. Je dis, ouais, t'en plais ça. Tu vois, gars, ça vient pas de tout. Tu vas pas penser à ça il y a 10 minutes, tu faisais juste des trous dans le chaloupe. Ben, tu vois, ça vient d'eux autres. Oh, c'est moi qui le dis. Non. Ça a passé dans ton canal. Parce que si c'est toi qui le dis, tu vas défaire ça dans 2 minutes. Tu vas finir par penser que tu as raison. Puis là, quand tu vas avoir eu 2-3 affaires, 2 autres qui sont parfaits, tu vas finir par penser que tu es parfait. Puis là, tu vas vouloir que tout le monde soit parfait. Puis là, tu vas commencer à faire du pouvoir avec la conscience. avec ta lumière. Puis là, on va recommencer, mais là, ça va être des gros trous dans la chaloupe. Là, c'est bien plus d'ouvrage défaire les gaffes d'un être conscient que d'un être inconscient. Un être inconscient, c'est comme un petit chien, tu peux lui donner une petite tape, mais l'autre, il faut que tu le battes à grands coups de bâton, là, parce qu'il est rendu, là, il se prend pour Dieu. Là. Et je n'oublie pas, il y a juste moi qui peux se prendre pour Dieu, personne d'autre. Okay, il ne peut pas en avoir 25 dieux sur la planète. Juste un, c'est moi. Pourquoi ça serait juste toi? Ben, je dis, moi, je me laisse faire. La plupart des gens que je rencontre ne se laissent pas faire. Ben, je dis, c'est pas moi, Dieu, dans le corps. C'est eux autres que quand ça passe, c'est clair. Tant que toi, c'est pas clair, tu ne peux pas être Dieu. Tu peux être un ange, là, mais à la limite. Si tu comprennes le principe, il ne faut pas t'accrocher les mots. N'oublie pas. Là. Fait que... Si on parle de mémoire, on parle de difficultés à long terme. On parle de talents qui peuvent vous mener à vouloir être rigide pour maintenir votre talent. Vous avez déjà vu ça, du monde qui était bon dans une performance quelconque, puis qui n'était plus capable de supporter le drop-down. Tu sais, tu es un artiste, tu réussis, tu as 10 000 personnes devant toi, ça t'applaudit. Puis 3 ans plus tard, oups, c'est fini. Il n'y a plus personne. Ils ne te reconnaissent même pas dans la rue, même pas de lunettes fumées. C'est tough, ça, là. C'était du talent. Fait que votre mémoire peut vous donner un talent qui va, à un moment donné, vous placer en situation de déséquilibre parce que le talent a pu ou a répondu à la fonction pour vous autres, mais ne répond plus à un échange avec votre environnement sous cette forme-là. Tu faisais partie d'une mode, puis la mode est terminée, passée. Tu n'étais pas recyclé parce que tu pensais, justement, que tu étais au bout de tout. Puis là, à un moment donné, ben. Le corps absorbe des impressions, il absorbe, puis à un moment donné, ça peut être aussi, dans l'impression que tu absorbes, si ce n'est pas intégré, une grosse source de déséquilibre. Vous pouvez vivre des impressions qui sont au-delà de votre capacité de contenance. Fait que si vous n'êtes pas entouré de personnes qui sont capables de vous envelopper pour vous donner la suffisance identité ou la suffisance de temps pour développer votre identité ou votre masse critique, vous êtes fait à l'os. C'est l'explosion garantie. Puis c'est dur, vivre un succès, puis de se taper une grosse déception. Fait que le terminal, il absorbe, il accumule, il fait des réserves d'impression. L'impression, à un moment donné, fait autorité pour lui permettre d'appliquer un raisonnement, donc une raison d'être. Et dans la raison d'être, il y a une volonté d'avoir raison à un certain âge où on juge égoïquement qu'on a assez appris. Parce que tout le monde, fatalement, rendu à 50 ans, va dire, ben là, moi, j'en sais assez. Fait que tout le monde s'auto-diplôme. C'est pas dans l'auto-diplôme que tu sais que c'est fini. C'est quand tu es mort que tu sais combien de vies qui te reste. Parce qu'il n'y a rien qui a dit que c'était la dernière vie, là. Fait que c'est pas la dernière vie. Ton corps, il a été un vecteur. Il a été un véhicule pour que tu ailles gober des impressions, puis que tu donnes du temps, de temps en temps, pour intégrer. C'est-à-dire, prendre conscience de ce que tu as absorbé, puis de voir les rapports que ça crée dans ta vie, pas matériel, mais dans tes rapports de perception que tu as ou de lecture que tu te fais de toi-même. Si moindrement dans ta lecture, tu te fais une petite lecture négative, c'est parce que tu n'as pas intégré certaines impressions. Puis tu te juges moralement là-dedans. Tu te juges avec un système de valeurs quelconque. Tu n'es plus capable de confronter des éléments divergents de ta perception, donc de ton raisonnement, qui devient automatiquement un jugement, une critique, puis un écrasement de ton succès intérieur. Succès étant être bien dans sa peau. Quand tu es bien dans ta peau, c'est le succès. Être mieux que les autres, ce n'est pas un succès. C'est du karma qu'on s'accumule. OK. Aussi. Vibrer l'événement. Quand on parle de vibrer l'événement, c'est là qu'on apprend à lire. On parlait de lecture tout à l'heure. On veut bien lire le corps, on veut bien lire la mémoire, ces choses-là. Mais quand on est influencé par la mémoire, puis qu'on est conscient que la mémoire a des effets, des fois positifs, des fois négatifs, ça devient intéressant de savoir, dans l'événement qu'on vit, ce qu'il y a à lire, qui se connecte à nous. Parce qu'il y a des événements qui sont, à cause des niveaux d'échange que vous avez avec les gens, qui sont des événements qui sont fortement liés à la personne avec qui vous êtes et qui ne sont pas nécessairement liés à votre événementiel. Lire l'événement, ça devient une façon de se protéger de la pensée des autres et du karma des autres. Au même titre que c'est aussi une très bonne façon de protéger les autres de votre programmation. OK, c'est ça. Fait qu'on a des... tu sais, vibrer l'événement, c'est un peu être capable de voir. Et c'est un peu une capacité, vibrer l'événement, à comprendre en vibrant. Pas en comprenant intellectuellement, mais en vibrant ce qui se passe. Qu'est-ce qui est nos limitations, puis qu'est-ce qui est nos forces. Puis à un moment donné, on sait ce qui nous appartient, puis on sait ce qui est une influence. Vous autres, d'une façon générale, ça devrait être plus facile de savoir ce qui est une influence. Parce qu'en général, une influence, c'est quelque chose qu'on n'habite pas. On veut faire quelque chose, mais on ne l'habite pas. Parce que de vivre d'un bottine dans un autre, ça te met un risque. Fait que vous pouvez, si vous vous connaissez, protéger les autres pour ne pas lui faire vibrer quelque chose que vous, vous avez à vibrer, mais que l'autre n'a pas dans sa programmation. Tu comprends? Vivre l'événement, c'est pas assez pour la comprendre. Vivre l'événement, parce qu'il faut qu'il y ait une espèce de digestion. Vous pouvez jouer avec l'intellect tant que vous voulez. Mais ça va au-delà de la philosophie, ça va jusqu'à l'aspect psychique. Il faut que vous soyez neutre, balancé, équilibré. Balancé, ça veut dire pas juste être bien dans votre lazy boy, là. Ça veut dire que c'est pas un élément qui vous harcèle, qui vous insécurise. À partir de là, vous avez une possibilité de détacher un aspect de la programmation familiale, du karma. Puis le karma que vous avez est lié au karma des gens que vous avez en permanence dans votre vie. Mais vous n'avez pas à vivre ce qu'ils vivent de la même façon. Vous pouvez être convivial. Convivial, pour moi, c'est on est ensemble pour vivre un événement, mais on n'est pas nécessairement ensemble pour intégrer en même temps. Ou on n'est pas nécessairement ensemble pour que l'événement donne la même résultante dans l'aspect évolutif de l'être. C'est pas parce que je prends l'avion avec tout le monde puis qu'on passe proche de se tuer dans l'avion puis qu'on s'en sort qu'on est tout chum. Ça va plus loin que ça. Les gens sont, ils se pensent amis à travers un événement. Tu n'es pas ami à travers un événement, tu es ami à travers une intégration. Les gens intègrent quelque chose, l'autre intègre peut-être même à 10 000 milles de là, la même chose, ils vont se rencontrer, ils vont se reconnaître. C'est pas de l'avoir vécu ensemble, c'est de l'avoir intégré. Les gens avec qui on a de la chimie, c'est des gens avec lesquels on a un niveau d'intégration qui est similaire. Quand j'ai rencontré Bernard, je le voyais travailler avec le psychiste, puis faire, comme entre guillemets, la preuve que le psychiste est opérationnel dans la matière. J'ai dit, moi, je vais travailler avec ce gars-là. J'avais zéro doute, parce que moi, je faisais ça. Ça faisait, avant que je le rencontre, ça faisait au-dessus de 12 ans que je faisais ça. Ben, je dis, il fait le même job que moi, c'est juste qu'il a fait d'une façon différente. Je me suis marié à ses activités pour qu'on, à deux, que ça aille mieux. À deux, je vais tout mieux. Je suis supposé aller mieux, en tout cas. Hein? Quand on est à deux, je suis supposé aller mieux. Futur est dans l'échange. Si on dit le futur est dans l'échange, ça veut dire que toutes les modifications à notre programmation sont dans le futur. S'il y a une mémoire, c'est le passé, que c'est le présent qui est en actif. Comme là, moi, j'enregistre de la mémoire. Bien, cette mémoire-là va servir éventuellement à des prises de conscience pour d'autres, parce qu'on va faire un CD avec ça. Le futur est dans l'échange, ça veut dire que ce avec quoi tu as vécu, donc avec le passé, c'est de l'outillage pour te mettre en échange, pour t'engendrer un futur qui va redevenir une mémoire, mais une mémoire qui va s'être détachée des coques lourdes de la charge négative qu'implique une mémoire quand tu n'es pas intégré. Toute mémoire qui n'est pas intégrée alourdit l'individu. Ce qu'on va voir d'un temps très futur, c'est des êtres qui vont vivre un événement, qui vont l'intégrer quasi instantanément. Donc, ils vont être extrêmement légers. Vous pouvez avoir des gens de 70 ans. Je me rappelle d'une personne que j'avais rencontrée qui avait une soixantaine d'années dans le lac Brompton, ça se peut-tu? Oui, Brompton, dans ce coin-là. Mégantic, là, dans le coin de Mégantic. Puis elle avait 60 ans, elle était excessivement légère. Elle fonctionnait, elle pensait comme un enfant. Était totalement détachée de la mémoire. Pour elle, le passé n'avait aucune valeur. Aucune valeur. la souffrance, c'était comme genre, bon, ben, les oiseaux, ils se tapent l'hiver, ben, moi, je me suis tapé, c'était vilain. C'est genre. Donc, elle donnait pas d'importance à la souffrance. Elle la vivait, puis elle était comme un animal, là, un oiseau, qui dit, bon, ben, écoute, c'est les températures qui font ça, puis elle convenait avec ça. Elle était extrêmement légère, comme personnage. S'il donnait la main, il n'y avait rien de lourd dedans. Mais prenez les gens à l'eau. C'est des gens qui ont trop des histoires deep à raconter. Puis tu sens dans leurs histoires qu'il y a juste l'impression qu'ils veulent créer. C'est toujours une tabarnak de dramatique dans lequel il faut que toi, tu sois tout à l'envers quand tu te parles. Ça, c'est des gens élevés en astie, ça. Puis élevé ne veut pas dire fort. Élevé veut juste dire difficile d'être intelligent. Ils ont juste une volonté d'encaisser, mais ils n'ont aucune astie d'intelligence à s'en sortir. Un être intelligent va prendre une charge négative, puis va trouver des solutions. Toujours des solutions. Fait que vous devriez mourir léger, pas mourir lourd. L'objectif ultime de la science, de la conscience, c'est la dématérialisation. Changer de plan à volonté. Ce qui équivaut pour nous autres à mourir. Mais quand tu es capable de mourir, renaître, mourir, renaître, mourir, renaître, on appelle ça de la dématérialisation. Comme dans M. Spock. Pas compliqué. Quand ils se passent dans l'espèce de désintégrateur pour aller réapparaître sur une autre planète, ils se font mourir puis ils se font renaître. Ce qui fait qu'il équivaut à comprendre que la mort, pour que ça puisse exister dans un sens de renaître, il faut qu'on allège l'être atomiquement. Fait qu'alléger un individu au niveau du corporel, c'est neutraliser tous les effets de la mémoire sur son être pour qu'il soit totalement atomisable et qu'on le transfère dans une autre pièce. Ça existe déjà, hein, des gens qui traversent les murs, ces histoires-là, puis ils comprennent ce principe-là. Tu vas me dire, est-ce que moi, en te parlant, je suis capable de le faire? J'ai essayé dans mon bain, là, d'essayer de voir si la voisine en bas, parce qu'elle est pas mal cute, si je pouvais transférer d'un bain à l'autre. Mais savez-vous, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui me retient? C'est d'hésiter quand je suis en train de le faire, puis de figer entre les deux planches. Fait que je ne l'ai pas essayé. Mais c'est juste à cause de ça. C'est pas l'hésitation vraiment, mais c'est pire que ça. C'est des conséquences. Mais c'est déjà arrivé un moine. Il a essayé de travailler le mur de Chine, puis ils ont retrouvé des ossements en plein milieu du mur. Ça y est, c'est un gars qui a manqué son coup. C'est fatal, ça. Là. Tu réapparais pas à bonne place. Oui. Fait que si le futur est dans l'échange, il faut comprendre une chose, c'est qu'on ne rencontre pas les gens par hasard. On est toujours convié à rencontrer des gens dans un état d'esprit particulier. Fait que si le futur est dans l'échange, puis que l'échange que vous avez avec votre environnement, il y a un lien. Si vous voulez ça simple, essayez de lire les liens. Essayez de voir, à travers l'échange que vous avez avec les gens, c'est quoi qui fait qu'il est dans ta vie? Pourquoi ces gens-là sont dans ta vie? Ça va au début être une curiosité, ça va être une lecture qui va être très, très psychologique. Puis si vous avez développé un certain talent, vous allez finir par faire ce que je faisais quand j'étais petit gars, je faisais du décodage. Moi, j'ai commencé avec ça. À 17-18 ans, je m'amusais à voir les rapports qu'il y avait entre les événements, pour voir s'il n'y avait pas... Moi, j'étais le candidat à dire qu'il n'y avait pas de hasard. Fait que s'il n'y a pas de hasard, tout ce qui se passe, il n'y a pas de hasard. Ça se passe parce qu'il y a une raison. C'est de savoir pourquoi ça se passe. Fait qu'aujourd'hui, j'ai 55 ans, puis je peux vraiment vous dire que la vie, c'est une machine à python. Tu sais, c'est un clavier. Puis si tu sais te servir du clavier, tu peux écrire ce que tu veux à l'écran. Pour faire un couple, il y a des pitons apaisés. Pour vivre tout seul, il y a des pitons apaisés. Pour être bien tout seul, il y a des pitons apaisés. Pour être malheureux en couple, il y a des pitons apaisés. Pour avoir un job, il y a des pitons apaisés. Pour réussir ou pas réussir, il y a des pitons apaisés. Je les connais toutes à cette heure. Puis, quand tu les connais toutes, tu peux presque dire, « Ouais, moi, je veux vivre cette vie-là. » Puis là, tu finis que tu te connais assez, que tu vas juste vers les choses avec lesquelles tu es bien. Et le futur est dans l'échange. Fait que l'échange, ça se fait, c'est plan, l'événement se place après. OK, oui. Fait que le futur est dans l'échange, puis dans l'échange, vous avez tous les ingrédients des événements futurs. Vos échanges, c'est votre futur. Là, tu dis, j'ai pas beaucoup de chance. Ben, c'est ça, tu vas mourir dans pas grand temps. Pas d'échange, c'est la mort. Pourquoi tu passes le monde travail? Pour avoir de l'échange. Ah ouais, mais tu fais l'argent. Parce que faire l'argent, c'est pour faire de l'échange. L'argent, c'est un moyen d'échange. On appelle ça le stock exchange. Foreign exchange. Les monnaies, les devises, c'est foreign exchange. Fait que tout est basé sur le mot échange. Fait que si la bourse, c'est de l'échange, si le commerce, c'est de l'échange, si les conférences, c'est de l'échange, si n'importe quoi que vous faites dans la vie, c'est de l'échange, ça veut dire que l'échange, c'est prioritaire dans toute la vie des gens. Puis il faut juste un prétexte pour échanger. Il faut un terrain sur lequel on peut faire de l'échange. Puis à travers ce prétexte-là, bien, il y a toute l'expérience karmique de vos parents, anciens parents, papa, qui se retransmet là-dedans avec des gens qui vont rejeter ou accepter ou apprécier ce que vous avez à présenter. Voulez-vous que je vous explique le rejet à travers votre mémoire cellulaire? Le rejet, c'est tout ce que vous rejetez. Vous êtes rejeté sur ce que vous rejetez. Il y a une partie de vous que vous rejetez, puis cette partie de vous que vous rejetez, ça vous fait vivre du rejet. Il y a une partie de vous autres que vous n'aimez pas, ce qui équivaut à se rejeter. Tu sais, je change les mots, là. Mais vous ne vous aimez pas, vous vous rejetez, puis les autres vous font vivre extérieurement le rejet de votre propre rejet. Les gens sont les éléments déclencheurs de vos faiblesses que vous n'acceptez pas. Il y a combien de femmes qui disent « je suis dominée » Bien, domine. Ben, je ne suis pas capable, ils me dominent. Bon, ben, tu rejettes ton impuissance. Tu vas te faire vivre ton impuissance. Mets-toi en puissance. Ouais, si l'autre est capable de te faire vivre l'impuissance. Puis plus tu te mets en puissance, moins l'autre, il tombe en mode d'agression. Pareil. Mais le futur est dans l'échange. N'importe qui sur la planète qui a un problème de vie a un problème d'échange.